Chapitre 12e. De Fredensborg, nous nous sommes dirigés sur Frederiksborg, toujours par le bois, un océan végétal, dont les flots de feuilles s'amoncellent et frémissent sur nos têtes. Frederiksborg est le grand palais de la monarchie. Nous l'apercevons à travers les futaies. Il se dessine et se développe majestueusement à mesure que nous approchons. Car malgré l'incendie qui en a dévoré l'intérieur il y a 2 ans, ce château est debout, semblable à un héros blessé des épopées scandinaves. Il ne veut pas mourir, et il ne mourra pas, j'espère. Ce merveilleux château n'est pas fondé près d'un lac, mais dans un lac. On y pénètre par 3 ponts successifs et pittoresques. Il semble le monument d'un roi qui aurait été doge. Nous passons sous 5 tours avant d'atteindre la cour intérieure. 4 tours subsistent encore dans cette principale cour, et 3 sur le lac, qui est encadré de collines abruptes très hardies. De tels encadrements sont rares en Danemark. Les ruines de Frederiksborg étaient pour moi grandioses. Elles étaient tristes pour mon compagnon de voyage. « J'aimerais mieux que Glory pût brûler, » me dit M. de Moltke. « C'était une perte particulière. Ceci est un deuil pour toutes les familles, un deuil de patrie. » J'ai senti la sincérité dans la simplicité de l'accent. Nous avons dîné dans un hôtel d'où nous embrassions d'un regard le lac et la façade du château sur le lac. Cette façade n'a pas été altérée par les flammes. Elle s'est réfléchie avec la pourpre de ses briques dans l'émeraude du lac, aux lueurs d'or du soleil couchant. J'étais ébloui et ravi. Ce château est féerique encore. Il est aux 3/4 sur sa base. C'est un édifice colossal et capricieux dans la variété de sa création. Ariel doit y avoir choisi sa retraite. Si je ne l'ai pas trouvé à Hambourg, c'est qu'il est là, quelque part, soit entre les créneaux, soit dans la cante d'une corniche. La diversité est jusque dans les matériaux, assemblés par un amphion de Zélande. Les murs sont moitié de briques, moitié de pierre. Les façades et les tours, tantôt grecques, tantôt gothiques. La fantaisie scandinave brille et souffle à tous les étages, dans les niches, dans les statues, dans les arcades, dans les piliers en marbre noir de Norvège, dans les bas-reliefs, dans le mélange des couleurs sombres ou éclatantes qui se reflètent sous le ciel bleu, sur le lac vert. La chapelle est toute blasonnée des écussons des chevaliers de l'éléphant. Le luxe y est prodigieux, mais l'art y est supérieur au luxe, ce qui fait de cette chapelle l'une des plus curieuses et des plus admirables qui existent. Frédéric VII, dit-on, regrette infiniment son beau palais. Ce n'était pas seulement un palais royal, c'était un palais national. Christian IV, le héros du Danemark et l'architecte de Frederiksborg, est empreint dans ses ruines. Les portraits que j'ai vus de ce glorieux prince offrent, je l'ai déjà dit, une ressemblance incontestable avec Frédéric VII, raison de plus pour que le roi actuel, aidé du Danemark, fasse restaurer le Fontainebleau de la dynastie d'Oldenbourg et qu'il rattache son règne par une page de marbre au règne de son immortel aïeul. Les monuments sont l'histoire en pierre des nations. Frederiksborg n'était sous Frédéric II que ce qu'était Versailles sous Louis XIII. Christian IV fut le Louis XIV de Frederiksborg. Il était né dans la forêt du château qu'il devait transformer. La reine, sa mère, se promenait sous les bourgeons des arbres le 12 avril 1577. Elle y fut prise des douleurs de l'enfantement. On n'eut que le temps de la porter sur la mousse au pied d'une haie d'aubépine. C'est là qu'elle accoucha de Christian IV. Au moment où ce prince vint au monde, la haie fleurit tout à coup, racontent les chroniques de Danemark. Ce fut un miracle de parfum dont l'on tira le plus propice augure. Cet augure fut justifié, car Christian devait être le plus grand roi du continent et des îles. Sa vie s'écoula dans les passions et dans les travaux. Il fit de Frederiksborg un château des 1001 nuits. Les fêtes s'y succédèrent soit à la lumière du jour, soit au flambeau du soir. Christian IV y eut des heures cruelles et des heures charmantes. Son front il ploya plus d'une fois sous les soucis de la couronne, et plus d'une fois aussi, il s'y releva sous les sourires de Christine Munk, sa femme de la main gauche, qui s'interposa souvent dans cette demeure entre lui et le destin. Elle ne chérissait que le roi, dans ce palais vénitien, dans ce parc peuplé de daims, creusé d'étangs et de lagunes. Elle était chaste et belle, et son âme était aussi noble que bienveillante. Quoiqu'elle ait écrit quelques vers, elle n'avait aucune prétention à la poésie. Elle était plutôt théologienne. Elle avait une tolérance au-dessus de son siècle. Elle fut bonne aux penseurs, aux artistes, aux savants. Sa petite cour, un peu équivoque, était leur refuge, leur citadelle. Elle les recommandait, les soutenait auprès de son amant. Lui, ne demandait pas mieux d'être inspiré dans ce sens par Christine Munk. Il fonda plusieurs collèges, favorisa l'imprimerie. Il ne dédaignait pas de s'aventurer à travers les carrefours et les bouts de Copenhague, le long des vieilles rues étroites. Il quittait volontiers sa suite de dames, de pages et de grands seigneurs, descendait de cheval et visitait les presses nouvelles. Il élevait comme par enchantement Frederiksborg et Valdemar. Il encourageait les architectes, les armateurs, les sculpteurs, les peintres. Il admirait les beaux-arts autant qu'il estimait les arts utiles. Il menait ses flottes, il commandait ses armées, il présidait à ses négociations. C'était un diplomate habile, et le politique en lui achevait le guerrier. Il avait tous les prestiges de l'homme, du capitaine et du roi. Christian IV mourut en 1648, après 60 années d'empire. Dans les derniers temps de son règne, il montra autant de courage que dans sa jeunesse, mais moins de prudence et de vigueur d'esprit. La direction des affaires fut moins ferme. Il sembla fléchir un peu, soit dans sa cour, soit en Europe. Il se conduisit mal avec Christine Munk. Il subit le sort de presque tous les hommes, surtout des hommes politiques. Dans l'histoire, les vieux rois baissent. Ils s'usent comme leur monnaie, dont à la longue, les effigies s'effacent. Christian, du moins, quoique diminué, resta grand. Il en reconnaissait encore ses traits héroïques sur le métal de sa vie. De Frederiksborg, nous avons poursuivi à travers les bois semés de lacs une route délicieuse jusqu'à Hirschholm, un château bâti à l'honneur d'une reine, Marie-Madeleine, et tombé par la condamnation d'une autre reine, Caroline Mathilde, plus malheureuse que coupable. Nous nous sommes engagés parmi les merveilles des arbres et des eaux. Nous avons côtoyé le lac de Frederiksdal, un arc de turquoise entouré de hêtres, l'église de Solre, qui surplombe un lac du même nom, le village de Norum, une oasis de fleurs dans une oasis de forêt. Puis, nous sommes entrés dans le parc royal, dont le château, l'ermitage, est un rendez-vous de chasse. Nous avons parcouru tout le parc. Nous en sommes sortis par la porte qui longe la mer. Nous avons débouché sur cette route en face de l'île de Heaven. Elle est d'un bleu divin, la mer de Tycho Brahe. Aussi l'aimait-il tant qu'il ne savait lequel contempler le plus, du firmament ou du sund. Nous sommes arrivés de maison de pêcheur en maison de pêcheur à Klammenborg, puis de jardin en jardin à Copenhague. C'est là que je me suis séparé de M. de Moltke, qui retourne quelques jours en Fionie pour revenir sans retard à son poste parlementaire. Car l'exactitude est un devoir pour lui et un patriotisme. Son amitié délicate et sa conversation pleine d'expérience vont me manquer beaucoup. Du reste, j'ai bien éprouvé l'agrément de tout ce que je perdais en le quittant. Lui ne paraissait pas moins touché, et sa courtoisie habituelle était plus émue. Il m'a laissé dans les yeux et dans le cœur l'image de l'un des plus nobles médaillons humains que j'ai rencontré jamais. J'ai repris ensuite ma route vers Elseneur. Ce pays de Zélande est ravissant. Pas d'eau courante, mais en revanche, des lacs de lapis, d'émeraude ou d'argent. Quand ce ne sont pas les lacs, c'est la mer qui s'étend avec le ciel et qui le rejoint dans des lointains sublimes. Quand ce n'est pas la mer, ce sont des châteaux ou des églises. Quand ce ne sont ni des châteaux ni des églises, ce sont des presbytères ou des tombeaux scandinaves. Quand ce ne sont ni des presbytères ni des tombeaux, ce sont des maisons rustiques, des champs fertiles, ou plutôt c'est tout cela à la fois encadré de forêts. La succession, en effet, de ces scènes magiques est si rapide que c'est une simultanéité merveilleuse. Les forêts de ce pays ont une beauté particulière que je voudrais peindre, car je l'ai bien sentie. À Hirschholm, à Frederiksborg, à Grib, à Esrom, tout le long de la mer, de Copenhague à Elseneur, à Marienlyst, les forêts sont comme un élément. Elles sont un élément de verdure. Je m'y suis plongé et replongé, non pour y chasser le daim, mais pour y respirer plus librement et pour y songer mieux. J'ai exploré les sentiers de ce labyrinthe de 15 lieues, un Danemark d'arbres, de chevreuils, de braconniers, de gardes et de seigneurs. La féodalité n'est plus nulle part, si ce n'est encore dans les bois. J'ai conversé avec la grande âme végétale de ces forêts, dont les parfums sont les pensées. L'une de ces pensées, la plus énergique, proteste contre la chasse. C'est du moins mon interprétation personnelle. Les ravins sombres ou riants, les accidents de paysage, le balancement des branches, la variété des tiges, la couleur fauve des terrains, toutes ces choses me sollicitaient tour à tour. J'errais dans les futaies de chênes et dans les futaies de hêtres, incomparablement les plus nombreuses. J'ai descendu les pentes douces, J'escaladais les petites collines, toujours perdu dans les frissons des ramures séculaires. Parfois, j'arrivais à des clairières où les poulains sauvages, la crinière pendante, l'œil en feu, exécutaient des galops rapides et fantasques. Dressés plus tard à tous les services, ces poulains deviennent l'une des principales richesses de la Zélande, inspirés parmi les carrefours verdoyants l'odeur des foins coupés. J'apercevais sans cesse une mer de végétation, et au-delà de cette mer, les lacs ou l'autre mer, la vraie mer. Il y avait pour moi trois infinis, la Baltique, le ciel et la forêt. Souvent le temps était pâle et l'atmosphère voilée. Plus rarement le soleil mêlait ses rayons au grand spectacle de la nature. Alors c'était des splendeurs inattendues, soudaines, entre les fourrés. Le soleil baissait peu à peu. Avant de se coucher, il incendiait d'étincellements rouges les cimes et les mousses. Les lacs endormis dans les vallées des forêts se teignaient de pourpre et de rubis. À ces heures du soir, les cerfs, les faons et les biches, en se désaltérant à ces eaux limpides, paraissaient boire à l'entrée des flots de lumière. Ces forêts de Zélande me conviaient par un charme indéfinissable. Les rivages étaient tout plantés de hêtres au-delà desquels se dépliaient le bleu du sun et le bleu du firmament. Les futaies se multipliaient, s'enchevêtraient, se ramifiaient en des courbes renaissantes, en des croisements inépuisables, tandis que tout à côté les barques légères et les bateaux lourds se prodiguaient aux besoins, aux spéculations, aux progrès, à la dévorante activité soit de l'industrie, soit du commerce, soit de la science. Moi, qui ai vu les parcs d'Angleterre et les grandes forêts de France, j'ai eu beaucoup à admirer les bois de Fionnier et de Zélande. Là, comme dit un poète, éclatent les triomphes du dieu Pan. De Copenhague à Elsener, je me suis abrité sous des arbres prodigieux autour de chacun desquels pourrait se réfugier toute une église. Rien n'est plus vénérable que de tels arbres. Il y en a qui vivent autant que les patriarches. J'ai touché des chênes de 6 siècles et des hêtres de 400 ans. Cette antiquité des arbres explique le respect qu'ils inspirèrent toujours et cette superstition qui entraînait les hommes aux oracles de Dodone. L'un des plus surprenants de ces arbres est un chêne d'Esrom. Je me suis assis sur ses racines nues. Le tronc robuste, sillonné, raboteux, s'élève à 30 pieds d'un seul élan. Parvenu à ce point, il se noue en des nœuds redoublés, nœuds d'écorce dure comme des nœuds de bronze, nœuds pressés, serrés, accumulés l'un sur l'autre, réseau formidable de nœuds qui enfendent d'innombrables branches, dont chacune est un arbre, soit vertical, soit horizontal. Chênin et multiple, solide en terre, irradiant dans l'air, fécond en jets capricieux de plus de 50 pieds qu'il prodigue en bas, autour, en haut, dans toutes les fantaisies d'une sève intense et vagabonde. Du reste, ce ne sont pas les chênes qui prévalent en Danemark, ce sont les hêtres. Je me suis aventuré dans les bois de Telstrup et d'Elbeuk, où j'ai compté 12 lacs. Ces bois sont les plus accidentés de la Zélande. Le château du comte Schimmelmann s'y élève entre 2 lacs et la mer. Les sapins et les hêtres s'y disputent l'empire. La bruyère rose y fleurit près des fougères. L'ombre d'Hamlet déserte son tombeau et ses jardins pour se promener le soir et la nuit parmi les lacs. Les 2 qu'il lente de préférence, dit-on, sont ceux qu'on appelle, à cause de la teinte de leurs eaux, le lac blanc et le lac noir. Le prince de Danemark, dont je suis les traces, s'avance jusqu'au village d'Elbeuk et d'Alsgard, puis jusqu'à Odinsøy, d'où se découvrent les rocs de Kullen et la mer du Kattegat. Il considère, et je considère de la haute colline d'Odin, les bagues de cette mer orageuse, aussi trouble, à l'heure du crépuscule, que la destinée humaine. Je revenais d'Odinsøy à Marienlyst. J'étais à Elbeuk 3 heures après le coucher du soleil. Le sun déferlait à mes pieds. Il était tout à fait nuit. Je vis un demi-cercle nébuleux presque aussi vaste que le ciel. Pendant que je regardais avec étonnement, le demi-cercle, de noir, devint gris de plomb, puis gris clair, puis il s'illumina magiquement. Des serpents et des salamandres entremêlés se tordirent en dessins fulgurants au milieu d'un paisible incendie. Des gerbes, des végétations, des torrents, des cascades de lueurs écarlates, jaunes, bleues, s'échappèrent soit successivement, soit simultanément, en arabesques de sang, d'ocre, de flammes, et formèrent un phénomène vraiment grandiose. Cette fête surprenante de l'atmosphère était une aurore boréale. Peu à peu elle s'évanouit, après avoir duré 2 heures, les plus étrangement fantastiques. L'impression qui m'est restée de ce mirage est singulière. Rien n'était plus beau. Mais cette prodigieuse scintillation, bien qu'elle fût ignée, n'échauffait pas. elle s'est consumée tranquillement et ne s'est pas embrasée, semblable à une vierge dont l'âme stérile brillerait d'amour, mais n'en brûlerait pas. Cette aurore boréale a été une coloration merveilleuse, sans chaleur. C'était l'image du feu, ce n'était pas le feu. L'aurore boréale est l'astre fugitif et nocturne du monde surnaturel, le soleil froid, quoique radieux, des spectres. C'est à l'éclat de cette sorcellerie de lumière que j'ai interrogé et que j'ai compris Hamlet. J'ai parcouru en tous sens, à pied et en voiture, les environs d'Elseneur. Je n'y ai pas rencontré la plus petite rivière. Dans les îles du Danemark où j'ai voyagé, je n'ai trouvé qu'une rivière et c'est en Fyoni. Je n'en ai pas trouvé en Zélande, mais j'ai trouvé beaucoup de lacs. C'est dans un de ces lacs lamentables, dans le farouche lac noir, je m'imagine, que s'est noyée la jeune Ophélie. C'est là que s'est dénouée et que s'est flétri parmi les écumes son bouquet de fiancés. Quand un poète comme Shakespeare nomme seulement un pays, il le sacre. Quand il transforme une légende de ce pays, il la célèbre et l'enchante à jamais. C'est ainsi que la tragédie de Hamlet est la perle la plus précieuse de la couronne de Danemark. Le Danemark a resplendi dans ses brumes sous le baptême de Shakespeare. Cette contrée, si belle déjà par la mer, est devenue plus charmante et plus illustre encore. Toute nation eût été honorée par un tel hasard. Pour moi, dès le jour où je lus le drame shakespearien, il y a bien des années, je me promis de faire un pèlerinage à Elseneur. Je fis vœu alors de visiter le palais et les jardins où vécut Hamlet. La rivière pâle, c'est un lac, qui reçut dans son lit, comme dans une couche nuptiale, la triste Ophélie. Je me suis tenu parole et je me sens avec une émotion vraie en pleine tragédie de Shakespeare. Tout la murmure ici, les saules et les joncs des étangs, les algues et les sanglots du Sund, les lèvres sévères des hommes et la bouche fraîche des jeunes filles. Selon l'histoire légendaire, il y avait autrefois en Jutland un bon roi sous un dais de velours et sur un trône d'or. Il s'appelait Orvandil. Il avait pour femme Gerut et pour frère Fangon. Le traître Fangon aima Gerut. Elle consentit à l'inceste, à l'adultère et au meurtre de son mari. Fangon tua Orvandil, épousa Gerut et fut roi de Jutland. L'héritier présomptif Hamlet, prince de Danemark, avait étudié avec succès dans les universités allemandes. À son retour dans sa patrie, il apprit la cruelle catastrophe et il contrefit le fou pour échapper aux craintes de Fangon. Il était philosophe, quoique insensé, et son oncle, l'usurpateur de la couronne, n'était pas sans inquiétude. Le prince ayant percé de sa dague un courtisan espion, qui voulait surprendre ses reproches à la reine, Fangon envoya à son neveu une vierge charmante, Ophélie. Il pensait ainsi attirer Hamlet dans ses pièges, mais Ophélie ne se servait de son rôle que pour voir, que pour adorer de plus en plus le prince de Danemark. Elle est si malheureuse de la dureté, des infortunes et du délire d'Hamlet, qu'elle-même finit par être plus folle que lui, folle d'amour et de désespoir. Elle se pare comme pour ses noces, elle s'enguirlande de fleurs et elle glisse en chantant sur les flots, puis sous les flots. « Jamais, Ophélie !» s'écrie trop tard Hamlet. La mort châtie alors Fangon, le fratricide et le régicide, comme elle avait châtié le courtisan dont il avait fait un espion, mais elle épargne Gerut, le frère d'Ophélie, et Hamlet lui-même. Le prince Hamlet est roi par sa vengeance. Telle est la légende primitive. Telle à peu près la recueillit Saxon le grammairien en 1180. Telle à peu près aussi l'emprunta, en 1560, au chroniqueur, notre vieux conteur Belforest. Le récit de Belforest ayant été traduit en anglais, Shakespeare s'en inspira. Il découvrit, sous ses vulgaires origines, sa tragédie de Hamlet. Il l'en tira comme une pierre précieuse de la mine et il l'enchâssa pour toujours dans le nom du Danemark. Cependant, nous sommes au 19 octobre. Aujourd'hui, la bise a rugi en soufflant. Je l'ai senti à mon retour d'une promenade dans la forêt et au bord de la mer. J'ai eu à la poitrine et à la gorge comme une morsure de bête féroce. C'est un avertissement et un conseil. Les hêtres et les autres arbres, aux branches desquels s'empourpre encore le soleil froid, se dépouillent et se flétrissent vite dans des colorations décroissantes. Des nuages lourds sur lesquels des armées appuieraient le pied, tant ils sont solides, s'amoncellent avec une pesanteur formidable. Des vents glacés passent et vous entament au larynx comme des blessures. Ce beau pays va s'ensevelir dans la poésie des Eddas qu'on ne comprend bien qu'ici. C'est le moment de s'éloigner, de céder la place aux ombres mythologiques. L'été, l'automne aux voyageurs, toutes les saisons aux Niflung, aux Valkyries, aux héros, aux dieux, aux fantômes du Valhalla et aux Scandinaves aguerris. Les deux derniers mots que je prononcerai sont Hamlet et Elsener. J'ai respiré l'air, tiède alors, du prince de Danemark. Je me suis promené dans ses jardins, dans les jardins de Hamlet. J'ai lu la tragédie de Shakespeare près du tertre, dont la tradition fait le tombeau du prince danois, et pendant ma lecture, tandis qu'une mouette voltigeait autour de moi, j'ai vu de ce tombeau se coucher le soleil et se lever la lune sur le Sund, ce Bosphore hyperboréen. C'est ainsi que j'ai achevé mon voyage en Danemark. Ultima Thule. Le vaisseau est prêt. Dans une heure, je serai parti. En m'interrogeant bien, qu'ai-je recueilli à travers tant de courses charmantes ou sublimes? Que retiendrai-je de ce voyage dans mon cœur et dans mon souvenir? C'est l'amitié de Glorup. C'est la légende de Hamlet. C'est la configuration des îles, la fascination des golfs, la physionomie d'un ciel nouveau et d'un peuple petit par le nombre, grand par l'intelligence et par le courage. Ce sont les forêts. C'est plus que les forêts, c'est la mer qui m'a apporté, la mer qui me remporte. Oui, dans toute la nature, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la mer. Dans son calme, elle fait comprendre l'harmonie universelle. Dans ses orages, elle fait comprendre le chaos et les révolutions des siècles. Elle semble s'élancer de vague en vague, afin de soulever le nom de Dieu au-dessus des mystères de son immensité profonde. Je n'ai jamais été si homme de foi que sur un navire. J'étais grave, religieux, attentif au spectacle des vastes eaux et à la voix souveraine qui leur commande ainsi qu'à nous. Tout ce que je sais de plus sérieux que le monde, c'est la mer qui me l'a appris, presque autant que l'amour et non moins que la théologie. Elle a le secret des choses éternelles. Ainsi s'achève Voyage en Danemark par Jean-Marie Dargaud.